Deuxième livre des Rois, chapitre 20. En ce temps-là Ézéchia fut malade à la mort, et le prophète Ésaïe fils d'Amos vint à lui, et lui dit, « Ainsi a dit l'Éternel, dispose de ta maison, car tu t'en vas mourir, et tu ne vivras point. » Alors Ézéchia tourna son visage contre la muraille, et fit sa prière à l'Éternel, en disant, « Je te prie, ô Éternel, que maintenant tu te souviennes comment j'ai marché devant toi en vérité, et en intégrité de cœur, et comment j'ai fait ce qui t'était agréable. » Et Ézéchia pleura abondamment. Or il arriva qu'Ésaïe n'étant point encore sorti de la cour du milieu, la parole de l'Éternel lui fut adressée, en disant, « Retourne, et dis à Ézéchia conducteur de mon peuple, ainsi a dit l'Éternel, le Dieu de David ton père, j'ai exaucé ta prière, j'ai vu tes larmes, voici je te vais guérir, dans 3 jours tu monteras dans la maison de l'Éternel, j'ajouterai 15 ans à tes jours, je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi des Assyriens, et je garantirai cette ville, pour l'amour de moi, et pour l'amour de David mon serviteur. » Puis Ésaïe dit, « Prenez une masse de figues sèches, et ils la prirent, et la mirent sur l'ulcère, et il fut guéri. » Or Ézéchia avait dit à Ésaïe, « Quel signe aurai-je que l'Éternel me guérira, et qu'au 3e jour je monterai en la maison de l'Éternel ?» Ésaïe répondit, « Ceci t'est donné par l'Éternel pour un signe que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée, l'ombre s'avancera-t-elle de 10 degrés, ou retournera-t-elle en arrière de 10 degrés ?» Et Ézéchia dit, « C'est peu de chose que l'ombre s'avance de 10 degrés, non, mais que l'ombre retourne en arrière de 10 degrés. » Ésaïe le prophète cria à l'Éternel, et l'Éternel fit retourner l'ombre par les degrés par lesquels elle était descendue au cadran d'Achaz, 10 degrés en arrière. En ce temps-là Bréodalbaladan fils de Baladan roi de Babylone, envoya des lettres avec un présent à Ézéchia, parce qu'il avait appris qu'Ézéchia avait été malade. Ézéchia les ayant entendus leur montra tous ses cabinets les plus curieux, l'argent, et l'or, et les aromates, et ses huiles de senteur, et tout son arsenal, et tout ce qui se trouvait dans ses trésors, il n'y eut rien dans sa maison, et dans toute sa cour qu'Ézéchia ne leur montra. Puis le prophète Ésaïe vint vers le roi Ézéchia, et lui dit, « Qu'ont dit ces gens-là, et d'où sont-ils venus vers toi ?» Ézéchia répondit, « Ils sont venus d'un pays fort éloigné, ils sont venus de Babylone. » Ésaïe dit, « Qu'ont-ils vu dans ta maison ?» Ézéchia répondit, « Ils ont vu tout ce qui est dans ma maison, il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai montré. » Alors Ésaïe dit à Ézéchia, « Écoute la parole de l'Éternel. Voici, les jours viendront que tout ce qui est dans ta maison, et ce que tes pères ont amassé dans leurs trésors jusqu'à ce jour, sera emporté à Babylone, il n'en demeurera rien de reste, a dit l'Éternel. On prendra même de tes fils qui seront sortis de toi, et que tu auras engendrés, afin qu'ils soient tenus qu'au palais du roi de Babylone. » Ézéchia répondit à Ésaïe, « La parole de l'Éternel que tu as prononcée, est bonne, » et il ajouta, « N'y aura-t-il point paix et sûreté pendant mes jours ?» Le reste des faits d'Ézéchia, et tous ses exploits, et comment il fit l'étang, et l'aqueduc par lequel il fit entrer les eaux dans la ville, n'est-il pas écrit au livre des chroniques des rois de Juda ? Ézéchia s'endormit avec ses pères, et Manassé son fils régna en sa place.